L'Association internationale des Coréens pour la réunification a lancé le 5 courant un appel pour stimuler les Sud-Coréens et d'autres compatriotes d'outre-mer à s'engager dans la lutte contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes qui dissolvent et aigle de nature agressive. D'autre part, l'Association générale des Coréens en Chine et l'Association des Coréens au Kirghizistan pour la réunification ont publié chacune le 3 et le 6 mars une déclaration contre le simulacre de guerre américano-sud-coréen.